Ce podcast existe grâce au soutien de Non-Violence 21, du Centre pour l'Action Non-Violente, de l'association Sortir de la Violence et de l'association pour la Communication Non-Violente. Il existe aussi grâce à vous qui écoutez, qui partagez et grâce aux généreux donateurs et donatrices qui aident à la fabrique de cette émission. Merci beaucoup. Sachez que j'anime désormais des ateliers créatifs de sensibilisation à la force de la non-violence à destination de tout public à partir de 14 ans. Toutes les informations sont sur mon site force-nonviolence.fr. Parlez-en autour de vous. Belle écoute. C'est d'abord une écologie de l'être humain, la non-violence. Ma lutte va être à travers la parole. Si tu mets la graine de violence, tu la retrouveras en face. I have a dream. Ne jamais obéir. Urgence climatique, justice sociale. D'abord dénoncer le système. Mobilisation citoyenne. On ne peut pas être dans la violence et l'humanisme à la fois. Bienvenue dans le podcast La force de la non-violence. Parce que la force n'est pas l'apanage de la violence. Parce qu'on peut changer cette croyance et toute notre culture. Je suis Célia Grincourt et je vais à la rencontre de personnes qui ont choisi la non-violence et les stratégies d'action qu'elles nous offrent pour se faire entendre, révolutionner ce monde ou simplement espérer survivre. Être en colère, c'est la bonne santé, vous savez. Désobéissance civile de masse. Dans le changement politique, on n'a pas le droit de rester amateur. C'est une question de vie ou de mort. Il nous faut des armes d'instruction massive. C'est une lutte. Donc l'empathie est le levain de la non-violence. C'est ça notre espoir. Le droit à la non-violence. Le droit à la non-violence éducative. I still have a dream. Ah, il me sort. 2024. J'aimerais commencer l'année de manière un peu originale, avec une rencontre sous forme de dialogue et non d'interview, même si je suis toujours un peu en dialogue avec mes invités, bien sûr. Mais là, je suis aussi l'invitée. C'est en effet avec Colin Perrault, mon alter ego au Québec, que je vous propose de passer le nouvel an de la force de la non-violence. J'aimerais que 2024 soit placé sous le signe de l'ouverture et du lien. Nous avons besoin de connexion, nous dit Colin. J'ai même entendu qu'une étude scientifique montre que c'est la qualité des liens qu'entretient une personne avec ses proches qui serait la clé d'une vie heureuse, plus longue et en meilleure santé. Alors quoi de mieux pour moi que de papoter maintenant avec le créateur du podcast Culture d'Empathie, qui est enseignant, activiste et anime des retraites sur la non-violence. Et j'en profite pour faire un vœu avec lui. Relier chaque invité que je reçois aux autres invités et à vous toutes et tous qui écoutez. Que notre communauté se fortifie et grandissent cette année. Parti. Bonjour Colin. Bonjour Célia. Ravie de te parler, de te rencontrer. Merci de m'avoir contacté et de m'avoir fait découvrir ton blog et ton podcast Culture d'Empathie au Québec. Oui, je suis au Québec, effectivement. Toi, tu as une chance, c'est que j'ai vu que tu fais des interviews en anglais. Du coup, tu as aussi l'ouverture sur tout le reste du Canada, le continent américain. Bien, étant donné ici au Québec, au Canada, on est plongé aussi dans la culture nord-américaine. Et moi-même, une partie de ma famille est américaine. Alors, j'ai une facilité dans les deux langues, l'anglais et le français, et d'autres langues aussi, dont une entrevue que je viens de sortir il n'y a pas longtemps aussi, en espagnol aussi. C'est la dernière entrevue que j'ai faite avec Juan Pablo Lazo Ureta, qui est un avocat de formation qui a décidé de donner sa vie pour créer des communautés intentionnelles et développer le mouvement de la paix au Chili, en Amérique du Sud. Donc, j'ai déjà des entrevues en trois langues dans mon podcast. Mais peu importe la langue, ce qui relie toutes ces entrevues, c'est des personnes inspirantes. En anglais, on dit « embody ». C'est des gens qui manifestent concrètement dans leur vie, qui le vivent à tous les jours, la non-violence. Et ce que moi, j'appelle la culture d'empathie. C'est-à-dire tu recherches des personnes qui sont dans la cohérence dans leur vie personnelle et dans leurs actes. C'est ça, leurs actions, leurs combats. Exactement. Mm. Oui, on est tous des paradoxes, hein, Célia. Même si toi, tu fais le blog et le podcast La force de la non-violence, moi, je fais quelque chose qui s'appelle Culture d'empathie. Des fois, les gens sont intimidés hein, par ça. Ah non, moi, je suis violent ou moi, je ne suis pas assez empathique. Ah, ces gens-là, je ne pourrais pas leur parler ou je ne peux pas faire partie de cette communauté-là. Mais la réalité, c'est que nous avons tous le potentiel de violence. Je pense que je ne t'apprends rien. Hein. Et jamais on est empathique, on est non-violent à tous les moments de notre vie. Je crois que le travail, c'est vraiment de reconnaître le potentiel, de reconnaître quand on tombe, je dirais, dans les habitudes, dans les réflexes qui nous amènent à des choses qu'on regrette souvent, que ce soit dans nos paroles, nos gestes, nos dépendances et la volonté de se transformer. Mm. Moi, je dis toujours que la non-violence, c'est tendre vers une histoire où l'on peut choisir le respect, l'amour, la considération. C'est une question de choix. Oui, c'est ça. C'est intimidant de penser, OK, je dois être non-violent. C'est déjà violent. C'est violent envers soi, exactement. Alors, c'est intéressant que tu me donnes un peu ta définition de la non-violence, parce que tu sais que moi, je demande toujours à mes invités ce que c'est pour eux, la non-violence. Et comme tu as appelé ton podcast « Culture d'empathie », je me demandais quelle était la place de la non-violence pour toi dans l'empathie. Comment tu relis ça? Oui, j'adore quand tu poses cette question-là aux invités en passant, Célia. J'aime tellement cette trame-là qui revient à chacun de tes podcasts. Puis les définitions sont souvent très différentes, très intéressantes. Ouais. Puis je vais te la poser la question après, je te le dis tout de suite. Parce que je veux l'entendre toi aussi. Je me disais souvent, c'est quoi Célia, elle, sa définition de la non-violence? Alors, faut qu'on revienne à ça. Mais je vais quand même répondre à ta question avant. Mm. J'ai choisi d'appeler le projet que je fais « Culture d'empathie » parce que pour moi, l'empathie, c'est une des composantes les plus importantes d'une vie de non-violence. L'empathie, ça part numéro un, comme un peu en permaculture, de la zone zéro. Moi, aujourd'hui, comment je vais? Moi, aujourd'hui, de quoi j'ai besoin? Moi, aujourd'hui, de quoi je suis capable? Il y a des journées où je suis capable d'avoir des dialogues très difficiles avec quelqu'un avec qui je ne m'entends pas. Il y a des journées où je ne suis pas disponible pour ça. Qu'est-ce qui fait que je vais être un être en santé, qui va être capable d'aider les autres, qui va être capable d'être dans ma propre créativité? Puis à partir de cet espace-là, d'aller en curiosité vers l'autre. Une curiosité saine de savoir comment ça va pour les gens autour de moi, pour pouvoir apprécier quand les gens font quelque chose de bien que j'aime, mais pour pouvoir aussi comprendre quand les gens font des choses qui peuvent être destructives pour eux-mêmes ou pour leur relation ou pour leur milieu autour d'eux. Puis aussi d'être capable de se mettre dans la place de quelqu'un d'autre, de marcher dans les souliers de quelqu'un d'autre pour comprendre pourquoi cette personne fait cela. Et pour moi, ça, c'est la base de la non-violence. Sur Terre, en ce moment, on est sur une trajectoire depuis le début de l'humanité où il y a des très belles choses, mais aussi beaucoup d'actions, de comportements destructeurs qui ne sont pas au service de la vie, qui ne sont pas au service de l'amour, de la beauté, de la co-création. Et on est tous dans le même bateau. Puis pour que ce bateau-là avance d'une façon, je dirais, qui amène plus de joie, moins de souffrance sur Terre, il faut être capable de rentrer en relation avec les personnes avec qui on n'est pas d'accord, avec qui on ne s'entend pas, avec qui on sent qu'ils font des gestes de destruction. C'est la chose la plus difficile. Et une des personnes qui m'a beaucoup inspiré là-dedans, c'est un Canadien que j'ai interviewé qui s'appelle Léonard Desroches. Puis lui, il travaille beaucoup sur la thématique d'aimer son ennemi. C'est la figure un peu extrême, hein, aimer son ennemi, mais si on veut avancer sur cette terre, il va falloir qu'on soit capable de voir la beauté chez quelqu'un avec qui on est en opposition. Puis je pense à Martin Luther King qui faisait exactement ça avec les personnes qui voulaient le blesser lui-même, qui voulaient tuer des personnes de sa propre communauté. Mais qui réussissait toujours à voir, waouh, ces gens-là vivent la peur, ces gens-là vivent l'ignorance, comment je peux aller vers eux? Je suis parti un peu sur la culture d'empathie, mais je suis curieux, Célia, pour toi, c'est quoi la non-violence? Et aussi, si tu veux nous parler un peu de la place de l'empathie dans la non-violence. Alors, j'aime beaucoup cette idée d'empathie parce que moi, je parle souvent de culture de la non-violence et je trouve que c'est vraiment beau ce que tu dis, culture d'empathie. C'est encore plus juste parce qu'il y a quand même cette problématique dans le mot non-violence qui est le non, qui ferme quand même un peu les portes, qui repousse un peu quand même des gens, c'est vrai. Et je pense que la non-violence ne passera que par une nouvelle culture, c'est-à-dire qu'actuellement, nous baignons, et souvent même sans nous en rendre compte, dans une culture de violence par nos conditionnements éducatifs, par aussi la hiérarchie, les dominations à tous les niveaux. Et la culture d'empathie, bah, ça va exactement à l'inverse. C'est une culture qui démonte toutes les dominations, qui se met au service de soi-même et de l'autre. Et justement, je réfléchissais un peu avant qu'on se rejoigne là par téléphone. Je réfléchissais à ce que ça pouvait être pour moi la non-violence parce que franchement, je suis presque d'accord avec tous mes invités. Mais j'aime beaucoup ce qu'a dit Anton Dumps. Il est arrivé au bout d'un moment, il ne l'a pas dit tout de suite, mais il a fini par dire l'amour. Et Je crois que l'amour au sens, je ne sais pas comment on pourrait dire, l'amour de l'humanité, l'humanité en l'autre, l'humanité en soi, ce qui fait communauté, ce qui fait qu'on est reliés les uns aux autres et même on est reliés au vivant en général, peut-être l'amour du vivant, c'est pour moi d'une grande exigence. Mmh. Et c'est pour ça que la non-violence, c'est exigeant. Et l'amour, nécessairement, ça amène à de l'insoumission. Parce qu'on ne peut pas se laisser marcher dessus ou laisser son prochain se faire marcher dessus ou laisser les animaux se faire massacrer sans être révolté, sans être en colère, sans avoir envie de dire non, voilà, et d'agir pour que ça change. Et ça, c'est, pour moi, c'est l'amour. Mm-hmm. Et c'est un très haut niveau d'exigence, l'amour. Moi, mais même dans une relation de couple, je ne pense pas que l'amour, c'est le confort. Je pense que c'est l'amour, c'est forcément une remise en question perpétuelle et c'est exigeant et c'est difficile. Mmh. Et ça me plaît, moi j'aime bien ce côté difficile. Moi je suis comédienne, c'est mon premier métier et j'ai fait vraiment ça aussi avec cette idée du travail sur l'être humain. Qu'est-ce que c'est l'être humain? Comment quelqu'un peut devenir un monstre? Mais c'est pas un monstre, il a fait des choses monstrueuses, mais on a tous un potentiel monstrueux comme on a tous un potentiel de Gandhi ou de Jésus. Enfin, mmh. Et ça, ça me passionne, en fait, voilà. C'est très complet comme réponse. C'est vrai que je n'aurais pas pu appeler ça la force de l'amour parce que ça a emmené sur autre chose, je pense, beaucoup de gens. Oui. Mais c'est dommage parce qu'au fond, pour moi, c'est plus clair. J'aime aussi beaucoup l'idée de l'art et la révolte. C'est pas ça, la non-violence, mais je trouve que c'est des moyens de transformer la violence. Pour moi, l'art transforme l'être humain. C'est une sorte d'assesse, de possibilité d'aller vers ce qu'il y a de plus beau en l'être humain. Et la révolte, ça part toujours de ce fond en soi qui est non à l'injustice. Mmh. On mérite, on a le droit d'être considéré, on a une valeur, on est... Oui, on est interdépendant aussi, ce côté collectif. Oui. Mm. Tu dis, t'aimes bien l'appellation culture d'empathie, puis je l'ai choisi de façon très consciente parce que, comme toi, j'étais conscient que le mot non-violence, il y a beaucoup de gens pour qui non avant, c'est une négation, les personnes ont un peu de difficulté. Alors j'ai dit, bon, l'empathie, c'est quand même quelque chose que les gens apprécient puis souvent veulent développer. Puis en même temps, je voulais quand même que ça soit relié à la non-violence parce que moi, en soi, en ayant étudié la non-violence, le mouvement de la non-violence, la communication non-violente de Marshall Rosenberg, puis il ne faut pas l'oublier, Marshall Rosenberg, il a appelé ça la communication non-violente pour se relier directement à Ahimsa, à Martin Luther King, à Nelson Mandela. C'était ses plus grands modèles, ces gens-là, Marshall Rosenberg. Alors moi, j'ai vraiment une appréciation de ce mot-là. Et j'ai voulu que ça soit quelque chose qui rejoigne un peu plus large, mais sans tomber non plus juste dans « je vais prendre soin de moi, juste moi », un peu comme des fois, il y a certains mouvements d'évolution personnelle que c'est comme « si moi je vais bien, je me sens bien, bon, après ça, le reste va tout s'arranger ». Puis c'est vrai que c'est important de prendre soin de soi. Moi, d'ailleurs, dans ma vie en ce moment, je suis dans une période où je sens que je dois prendre soin de moi parce que j'ai été très, très sollicité, très occupé à courir d'un bord puis de l'autre. Puis, je sais pas toi, mais des fois, on a un profil un peu sauveur aussi dans la non-violence. On voudrait aider dans tous les fronts. Je crois qu'il faut être conscient parce que j'ai vu beaucoup de personnes aussi autour de moi qui peuvent vraiment se fatiguer. Oui. Donc, notre propre régénération, notre propre source d'énergie, on doit en prendre soin pour pouvoir donner aux autres. Et avant de développer le projet Culture d'empathie, j'aime bien ce que tu dis par rapport à l'engagement parce que moi, j'ai commencé comme un activiste. Mm. Un militant, un activiste, comme certaines personnes que tu as interviewées. John Palais? Oui, c'est... Oui. Il a fait Greenpeace et puis Alternatiba. J'apprécie beaucoup entendre ces gens-là qui sont vraiment sur le front. Moi, dans les dernières années, j'ai été très impliqué ici, d'ailleurs, au Québec, sur la question de la biodiversité. On est en train d'essayer de protéger certaines forêts ici au Canada qui sont de plus en plus rares, des forêts anciennes et des forêts primitives, on pourrait dire, là, qui n'ont pas été encore exploitées. De plus en plus, elles sont rares, malgré que le territoire ici soit très grand. Alors, il y a des grands mouvements pour ça ici, avec lesquels je suis impliqué, et aussi avec les Premières Nations, avec les communautés autochtones ici au Canada. Mais à un moment donné, il a fallu que je trouve le comment de mon implication. Puis ça, je pense que c'est un moment clé. C'est de savoir jusqu'où moi je vais aller. Parce qu'à un moment donné, je vais rencontrer une situation où je vais vouloir crier après quelqu'un, je vais vouloir les descendre, je vais vouloir les voir disparaître, je vais vouloir leur lancer une roche si je suis dans une manifestation. Ouais. Et jusqu'où je vais me rendre? Et jusqu'à temps que moi j'ai pris ce positionnement-là, je ne vais pas écraser quelqu'un d'autre pour faire du bien dans le monde. C'est à partir de là que mon engagement est devenu plus clair. Et c'est là aussi que la passion pour enseigner la non-violence et l'empathie m'est venue. D'accord. Et alors, donc si on reprend un peu ton parcours, est-ce qu'il y a un élément déterminant qui explique cet engagement pour la non-violence? Donc, tu parlais des forêts, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui te revient? Parce qu'on ne va pas faire peut-être tout l'historique, mais au moins un élément ou deux. Je vais t'en donner quelques-uns rapides, mais après ça, je veux t'entendre toi aussi. Je dirais le premier, moi, je suis enseignant de formation. L'éducation, c'est quelque chose d'autre qui me passionne. Mm-hmm. Et j'ai vu dans le milieu de l'éducation, dans la classe, par la façon que le système est fait, la confrontation. Élève, professeur, professeur, entre professeurs, professeur avec la direction. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de combats. Qui va être le plus fort? Et là, j'ai réalisé, non, moi, je ne veux pas être dans cette partie-là avec mes élèves. C'est là que j'ai commencé à étudier la non-violence. Je me suis dit, il doit avoir une façon d'être égal à égal. Mm. Mais travailler dans un système d'éducation où la loi du plus fort est tellement instaurée, c'est très difficile d'être un petit élément dans mon école avec 1000 personnes, puis d'être la personne qui veut vivre les relations différemment. Je me considère encore enseignant et éducateur, mais je travaille à mon compte, parfois pour des associations aussi, parce que la relation est plus importante pour moi d'honorer cette relation-là d'égal à égal de non-violence que de servir un système. Mmh. Il y a plein de bons professeurs dans le système et je leur lève mon chapeau, mais parfois de travailler dans un système nous empêche de vraiment suivre nos valeurs. L'autre élément qui m'a vraiment été marquant, c'est il y a environ 6 ans, où, près d'où j'habite, la ville de Québec, il y a une mosquée qui a été attaquée par un jeune qui était perdu, qui avait des problèmes de santé mentale, qui avait été, je dirais aussi, incité peut-être à la violence contre des personnes musulmanes. Alors, il est rentré dans la mosquée et il a tué 5 hommes. C'était il y a 5-6 ans. Alors moi, c'est la ville où j'ai grandi, Québec. Je connaissais des personnes qui ont été touchées par ces meurtres. Et c'est là que j'ai commencé le projet Culture d'empathie parce que je me suis dit, qu'est-ce que ce jeune homme aurait eu de besoin pour ne pas commettre ce genre de geste? Qu'est-ce que les familles qui ont perdu un membre de leur famille ou un blessé, qu'est-ce que ces gens-là ont besoin? Mm. Qu'est-ce que la population a besoin en ce moment? Ce que je voyais, c'était des politiciens qui tentaient de ne pas avoir de l'air trop fou. Je voyais des médias qui soit descendaient les musulmans, tu comprends, qui avaient un peu cherché le mal. J'entendais d'autres gens qui attaquaient le jeune homme qui avait fait les meurtres. Personne ne prenait responsabilité. Personne ne se disait, est-ce que ça se peut qu'on vive dans un monde qui attise la violence? Mm. Qu'est-ce qui manque? Et là, j'ai vu les familles musulmanes qui avaient perdu des êtres chers quelques semaines après. Ils ont dit, nous pardonnons le jeune homme qui a commis les gestes. Et nous envoyons nos condoléances à la famille de ce jeune homme qui viennent eux aussi de perdre leur fils. Et nous voulons créer la réhabilitation et l'unité dans la communauté. J'ai pleuré quand j'ai entendu ça. J'ai senti l'amour. Et là, j'ai senti la réponse est là. C'est une réponse de non-violence, c'est une réponse d'empathie, c'est une réponse de pardon. Le pardon, c'est un autre élément essentiel de la non-violence. Et j'ai dit, voilà, c'est ce qu'on a de besoin de plus dans le monde. Et moi, je sens que j'ai une facilité pour amener ça dans le monde. Alors, je vais, comme Célia, tenter de donner la parole aux gens qui veulent créer ce type de monde. Et je vais prendre la parole moi aussi, pour nommer ces vérités que nous avons besoin d'entendre de plus en plus. Mm. Mais moi, je serais curieux de t'entendre, Célia, parce que j'ai lu un peu, puis tu m'en as parlé aussi, que tu es une personne avec plusieurs chapeaux, comédienne, formatrice. Mais ce que j'ai compris, dis-moi si je me trompe, mais que vraiment, tu as voulu mieux connaître la non-violence quand tu es devenue maman. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, ça a été un grand choc dans ma vie, le fait de devenir maman, parce que Tu sais, tu parlais du fait qu'on a un petit côté sauveur et tout. Donc moi, j'avais un petit côté « je vais sauver le monde avec l'art okay. ». J'avais aucune idée que je pouvais être violente. Je ne sentais pas ça chez moi. Et en fait, quand mon fils est né, la première année, d'abord, je jouais beaucoup au théâtre. J'étais très contente avant d'avoir mon bébé. Je me disais « ah super, je vais tout de suite reprendre le travail ». Et puis quand il est né, c'était en fait une déchirure de le laisser, de... Et puis après ça, j'ai essayé de rattraper un peu le temps perdu, mais c'était très difficile parce que je pense que mon fils aussi a dû souffrir de cette séparation. Et il ne dormait pas du tout la nuit, il était très intense, il faisait des colères très très fortes, etc. Et j'étais démunie. Parfois la nuit, je me mettais à hurler sur lui parce que je ne dormais pas. Et je me disais, mais je vais finir par le frapper. Enfin, ce n'est pas possible, ce n'est pas moi, ce n'est pas possible. Ça a été un grand choc de me voir comme ça, en fait. Bon, c'était aussi l'épuisement et tout. Hein. Je ne dis pas que... je suis comme ça quand je suis bien tranquille. Bah, voilà, mais un enfant, ça te confronte à tes limites tellement fort que j'étais hors de moi. Et donc, j'ai commencé à me renseigner. J'ai commencé à lire des livres. J'ai fait une formation à la parentalité. J'ai découvert Isabelle Filioza, Catherine Guéguen, enfin, des personnes comme ça qui expliquent aussi l'immaturité du cerveau chez les enfants et comment on devrait les accompagner au lieu de les brimer. Au contraire, si on est dans l'empathie avec eux, on comprend, on est là pour eux, on les accompagne, eh bien, ils vont pouvoir développer toutes leurs compétences. Et en plus, l'enfant te montre l'amour inconditionnel. Enfin, vraiment, c'est nous, les adultes, qui sommes confrontés à nos limites. Mais l'enfant, le bébé, il nous pardonne tout de suite, dans la seconde, ce qu'on fait. Enfin, moi, je trouve ça incroyable, d'ailleurs, qu'on pense que l'amour inconditionnel vient des parents. Pour moi, c'est faux, c'est l'inverse. C'est ça qu'ils nous apprennent, les enfants, c'est l'amour inconditionnel. Et donc, j'ai commencé à me former et ça a été pour moi une révolution. C'est-à-dire, je me suis dit, mais en fait, c'est ça la clé. Parce que j'étais en recherche depuis toujours, parce que bien sûr, ce monde me révoltait, l'état du monde, l'écologie, les rapports humains. J'étais dans une troupe, il y a eu des disputes pas possibles, des choses terribles sur le plan humain qui me déchiraient. Enfin, comment ça se fait qu'on peut pas vivre ensemble? Comment ça se fait que même réunis par un idéal, on se déchire? Enfin, et là, je me suis dit, mais c'est ça la clé, c'est qu'on a tous été maltraité. Alors, il y a évidemment l'éducation familiale, mais il y a aussi l'éducation de l'école, de l'État, etc., qui pour moi est très forte aussi. Enfin, quand je reviens à mes souvenirs d'enfance, l'école a été un grand choc. Je ne sais pas si au Québec c'est aussi fort, mais en France, c'est quand même à 3 ans, c'est un peu militaire quand même. Hein. Enfin, honnêtement, pour moi, ça a été un traumatisme, je pense. Et peut-être pas pour tous les enfants, okay. Il y en a, voilà. Et je pense que c'est une domestication de l'enfance qui est faite dès la naissance et petit à petit. Et puis, chez nous, on n'a que 2 mois et demi de congé maternité, vite à la crèche, vite ceci. Pour moi, c'est pas les besoins naturels d'un enfant. Il a besoin plutôt de ses figures d'attachement. Et donc, tout ça, ça m'a complètement changé le regard sur le monde. Et je me suis dit, mais il faut absolument que les gens le sachent. Que c'est ça, qu'il faut changer notre façon de faire avec les enfants, etc. Et donc, au début, j'ai voulu... Alors, déjà, j'ai eu un problème. On avait une compagnie avec mon conjoint et puis on a eu des soucis humains, puis on a eu des soucis financiers. Enfin, bon, ça a été compliqué. On a décidé d'arrêter. Et puis, je voulais plus non plus partir en tournée, etc. Enfin, me séparer trop de mon enfant. Donc, j'ai voulu faire de la radio. Parce que j'aimais beaucoup la radio. J'aimais beaucoup ce fait de revenir à soi. J'avais l'impression quand t'écoutes la radio, il n'y a pas l'écran, justement, qui peut faire écran. Et on est en soi. Voilà, ça résonne, ça voyage. Donc, je me suis formée à l'animation radio. Et puis, je voulais faire un podcast sur... à l'époque, j'appelais ça, je pense, éducation respectueuse ou accompagnement respectueux, je ne sais plus. Et puis, bah, en fait, il y avait zéro réponse parce que moi, j'avais envie de partir avec un peu d'argent quand même. Pas beaucoup, mais enfin un minimum. Les gens que j'envoyais à des sociétés de production, soit j'avais pas de réponse, soit non, le sujet ne nous intéresse pas. Et puis, un jour, c'est en écoutant une émission, je sais pas si tu connais, c'est une émission sur YouTube française, qui s'appelle Thinkerview. Je connais pas. Non, bon, alors c'est une émission qui a énormément d'audience, etc. C'est beaucoup d'invités un peu alternatifs ou en tout cas qui ont un regard un peu neuf parfois sur le monde, qui sont très intéressants. Donc je regardais Thinkerview parfois et un jour il avait un invité qui s'appelait Jean-Marie Muller. Je connais très bien un auteur absolument exceptionnel. Tu n'as pas eu la chance de l'interviewer, hein? Non, il était déjà malade au moment où il a été interviewé pour Thinkerview. Il est mort en 2021 et il était trop malade pour que je l'interviewe déjà quand j'ai commencé le podcast, puisque j'ai commencé qu'en 2020. Et l'animateur était très, très rentre dedans. Et je me disais, mais c'est dommage, il ne le laisse pas parler. Moi, je n'avais jamais réfléchi à la non-violence en général. Donc... Et à un moment, l'animateur, il lui dit que c'est... Oui, c'est pas très sexy, la non-violence. Ah, ça m'a énervée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut? Pour être intéressant dans le monde, il faut être sexy. Enfin, c'est vraiment, ça m'a agacée et ça m'a titillée. Je me suis dit, bon, bah... Je vais m'intéresser à ce sujet. Mm-hmm. J'ai lu du coup Jean-Marie Muller, j'ai écouté John Palais aussi, j'ai écouté plein de gens. Et je me suis dit, mais c'est un sujet vaste. C'est toute une culture justement, voilà, c'est toute une culture. Et même si moi personnellement, je pense que la porte d'entrée, c'est l'éducation, c'est passionnant de s'intéresser à la justice restaurative, à comment on traite la terre, à la stratégie d'action non violente, à la communication non violente, enfin... En fait, il y a plein de branches et toutes se rejoignent. Mmh. Et donc, je me suis dit, ça, c'est un sujet de podcast. Célia, je trouve ça tellement intéressant ce que tu dis parce que aujourd'hui, dans notre société, faut qu'il y ait de la controverse. Faut qu'il y ait quelqu'un qui se fasse descendre, qui a de l'air fou. Comme en politique, hein? Faut toujours qu'il y ait un qui ait de l'air fou, faut que l'autre ait de l'air plus intelligent. C'est toute l'histoire, la vieille histoire de l'écrasement, de l'exploitation, de la domination. Moi, j'appelle ça la vieille histoire de la domination. Puis, parfois, on pourrait se dire, bon, Célia, puis Colin, puis toutes sortes d'autres gens qui font des choses extraordinaires autour de cette thématique-là, va falloir qu'on compétitionne avec ces gens-là pour être plus original, pour exciter, titiller les gens un peu plus. Mais l'affaire, c'est que je pense pas qu'on joue la même partie. Je crois qu'il y a quelque chose en tous les êtres qui sait qu'à travers toute la complexité de notre monde aujourd'hui, la violence, les guerres, les conflits, les armes de plus en plus complexes, les technologies de plus en plus complexes, l'intelligence artificielle, j'ai l'impression qu'on le sait que la réponse à mieux vivre sur Terre ne viendra pas de plus de complexité. C'est souvent dans la simplicité qu'on trouve le plus de satisfaction dans nos vies. Et que la réponse à tous ces mots-là de destruction de nos milieux de vie, destruction de la biodiversité, la déconnexion, les conflits entre les gens, que c'est quelque chose d'extrêmement simple qui peut venir rapatrier tous nos morceaux, réconcilier. Et la non-violence, à quelque part, est une réponse assez simple. Oui. Tu sais, ça fait 10, 15, 20 ans que j'étudie, que je parle de, je lis sur la non-violence. Et constamment, il y a des gens qui s'intéressent à la non-violence, qui écrivent dessus. Récemment, je suis tombé sur un texte absolument fabuleux que j'espère peut-être interviewer cet homme-là éventuellement. Il s'appelle Alain Refallot, un Français. Ah, ben, je devais l'interviewer, là, il y a quelques temps, il était malade. Là, tu commences à me voler mes podcasts, là, toi, là. C'est bon. Écoutez, vous avez besoin d'écouter les deux podcasts maintenant, OK? Culture d'empathie et la force de la non-violence. Il a écrit un article récemment. Écoute, si tu n'as pas lu l'article, c'est moi qui l'interview en premier, OK? Je pense que je l'ai lu tous parce que je suis abonné. C'est un article qui s'appelle « La force de la non-violence », donc le nom de ton podcast. Et il explique comment qu'on s'est trompé un peu sur c'est quoi réellement la force. Est-ce que la force, c'est réellement d'être capable de faire taire mon enfant quand il fait quelque chose que j'aime pas? Est-ce que la force, c'est réellement, en ce moment, Israël qui bombarde Gaza et Hamas qui tente, avec les moyens du bord, de répliquer? Est-ce que la force, c'est vraiment la Russie, l'Ukraine? Mais dans cet article, ce que j'adore, c'est que c'est de dire quelque chose d'autre est possible. C'est possible, avec notre créativité, de trouver d'autres solutions que la violence. Mm-hmm. C'est simple dit comme ça. Mm-hmm. Le faire, c'est la chose la plus dure au monde. C'est exigeant avec nos enfants, avec nos amis, avec nos voisins. Mm. Mais c'est extrêmement exigeant aussi à un niveau communautaire, régional, mondial. Et... Oui. Beaucoup des gestes de violence que les gens font viennent de traumas, viennent de violences transgénérationnelles que ces gens-là ont vécues. Alors là, à un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui a la force de dire « je ne réplique pas ». Et puis si tu me permets, je vais nous amener un peu vers quelque chose que toi tu fais, que je trouve très intéressant. Tu fais des ateliers auprès des jeunes sur la non-violence. J'ai lu ça sur ton site internet. Je trouve ça extraordinaire, la description que tu fais. Je voudrais que parle-moi peut-être de ce que tu veux par rapport à ça, mais peut-être parle-moi d'une scène qui te vient à l'esprit rapidement, quelque chose de beau que tu as vécu en travaillant avec les jeunes. Oui, j'ai vécu certaines expériences assez incroyables. C'est surtout, moi, ce qui me marque souvent, c'est ce qui ne semble pas du tout gagner et qui finalement se retourne, quoi, une situation très compliquée et qui, par la force de la non-violence, se solutionne. Mm-hmm. Le souvenir qui me revient, c'est avec une classe SECPA. En France, ce sont des classes... en fait, au collège, pour des élèves qui n'ont pas acquis les connaissances, on va dire, c'est défini comme ça, hein, les connaissances du tronc commun qu'on est censé avoir au collège. Et souvent, ce sont des élèves en grande difficulté scolaire et en grande difficulté sociale aussi. Parfois, des enfants qui ont été battus ou des choses très dures vécues par les jeunes qui sont dans ces classes. J'ai eu la chance de travailler à plusieurs reprises avec des classes comme ça. Mais là, dernièrement, j'ai travaillé avec une classe SECPA sur des situations de violence qu'ils vivaient. Bon, c'est des jeunes qui sont souvent issus de cités. Et la plupart du temps, quand on parle avec eux de violence, les situations qui leur viennent, c'est toujours les policiers qui les coursent. Évidemment, ce sont des situations qu'ils vivent, hein. Mais ils ne vont pas parler facilement de la violence domestique, du sexisme ou des choses comme ça. Et j'étais avec une classe qui était très fermée, globalement, je dirais, au thème que je proposais. Et notamment, il y avait une fille qui était assez meneuse dans la classe, qui refusait absolument tout ce que je proposais, tous les exercices, parce que je fais des jeux, je fais plusieurs exercices de groupe pour aussi aider le groupe à se détendre, à se former, à travailler ensemble. Mmh. Et c'était non, tout le temps non. Et au fond, ça donne à réfléchir sur le pouvoir du non. Mmh. Parce que ce que j'ai compris aussi en travaillant avec ces jeunes personnes, c'était que le non... était leur seule arme face à des adultes qui pouvaient l'entendre, parce qu'ils ou elles n'ont pas pu dire non à plein de situations de violence. Et donc, leur seule manière de s'affirmer, d'exister, c'était de dire non. Et non, c'est non. Hein. Je devais tout de suite trouver d'autres exercices à faire, d'autres propositions. Et il y avait une de ces jeunes filles qui était vraiment très virulente envers moi, qui me montrait un visage vraiment très agressif et... Honnêtement, la première fois et même la deuxième fois que j'y suis allée, j'étais mal, hein, j'étais vraiment mal. La deuxième fois, j'avais la boule au ventre, hein, parce que je me disais, oh là là, mon Dieu, je vais encore me prendre des insultes. bon, et puis, j'ai pris une décision dans mon esprit. Je me suis dit, je vais accepter intégralement ce nom et je vais refuser de l'enfermer dans l'étiquette qu'elle me renvoie de cette fille très agressive, comme s'il n'y avait que ça d'elle qu'elle pouvait montrer. Ouais. Et donc, je lui ai dit que c'était très dur pour moi, travailler dans ces conditions, même si je ne considère pas que je mérite tes insultes ou qu'elles s'adressent réellement à moi, c'est dur de vivre ça. Donc, tu ne veux pas, ok, il n'y a aucun souci, tu ne fais pas, tu n'es obligé à rien. Par contre, est-ce que tu peux laisser le groupe aussi s'autodéterminer, laisser chacun, chacune s'autodéterminer et dire si oui ou non, ils ont eux envie de faire, parce qu'elle entraînait énormément le groupe. Et donc, elle a un peu entendu, enfin, j'ai eu l'impression, puisqu'elle a refusé de faire toute la séance. Mais petit à petit, pendant cette séance-là, certains élèves ont vraiment participé, ont commencé à mettre en scène des situations de violence, parce que je travaille beaucoup avec le théâtre forum, etc. Il y en a qui ont fait un slam, il y en a une qui a fait de la danse, donc il y a eu... plusieurs choses quand même qui ont été montrées de situations vécues de violence. À la fin, on a fait une présentation devant le collège de ces ateliers. C'était 4 séances. Et la dernière séance, cette fille qui refusait catégoriquement d'entrer en relation avec moi et entrer en relation avec ce que je proposais, elle m'a dit « j'aimerais bien présenter l'atelier ». Superbe. Alors, je dis « bah, ok, à la base, je comptais le présenter, hein, évidemment ». Et je lui dis, mais comment tu veux le présenter? Bah, je veux expliquer ce qu'on a fait, puisque j'ai assisté à tout. Je veux expliquer comment ça s'est passé. Je lui dis, OK, bah, est-ce que pendant cette séance, tu es d'accord d'écrire une trame pour que je vois et qu'on la corrige ensemble et que aussi chaque personne que tu présentes, chaque groupe que tu présentes soit d'accord avec cette trame. Et elle m'a dit, OK. Bon, je suis restée beaucoup plus longtemps que prévu parce qu'on a passé une heure ensemble quasiment. On a travaillé sur cette trame et c'est elle qui a présenté entièrement l'atelier au reste de l'école. Qu'en fait, elle s'est impliquée bien plus que tout ce que j'avais imaginé. Elle a fait tomber le masque. Et ça, c'est ce qui m'a le plus touchée, en fait. Wow! Mais Célia, c'est courageux ce travail que tu fais dans les écoles. Tu travailles avec des jeunes d'un milieu plutôt difficile. Et c'est un travail courageux parce que souvent, on va vouloir divertir ces jeunes-là. Mais est-ce qu'on va vraiment aller à la racine du problème? Puis leur donner la possibilité de vivre quelque chose autrement. C'est ça. C'est comme un peu, souvent je dis aux jeunes, la chance qu'on a, c'est quand il y a un stimuli, si on tombe juste dans l'habitude, on essaie toujours la même chose, on va avoir toujours le même résultat. Alors là, il y a le stimuli, on prend un grand respire et on se pose la question, est-ce que je veux essayer quelque chose d'autre? Est-ce que je suis curieux? Si la réponse c'est oui, là on se dit, OK, créativité. Qu'est-ce que je pourrais essayer de différent? Puis là, c'est la phrase de Marshall Rosenberg qui va rendre ma vie plus merveilleuse. Et souvent, ben, on le dit, hein, la violence, c'est un manque de mots, c'est un appel à l'aide, c'est des habitudes, c'est des dépendances. Alors, comment qu'on pourrait le vivre autrement? Quand je travaille avec un groupe... Oui, parce que toi aussi, du coup, tu travailles et tu fais des formations aussi. Oui, je travaille avec des organismes communautaires. Parfois, je vais dans les écoles. Quand les écoles m'appellent, c'est pas moi qui sollicite tant les écoles. Moi, je trouve très important dans ce travail qu'on travaille avec les gens qui veulent travailler avec nous. Quand j'arrive dans un groupe où il y a des gens qui sont obligés de travailler avec moi, oh! Ça m'est arrivé moi aussi récemment de travailler avec un groupe de jeunes. Je suis allé dans une école, les jeunes n'avaient pas le choix d'être là parce que supposément l'éducation est obligatoire, mais quand on s'y connaît un peu, on sait que il y a plusieurs options. Comme nous, par exemple, on fait l'école à la maison, en famille, moi avec ma famille. Alors, il y a plusieurs options. Mais ce que je veux dire, c'est que les jeunes avec qui je travaillais aussi étaient là de façon supposément obligatoire. Et souvent, je rentre dans la classe puis j'essaie d'avoir de l'empathie pour commencer. « Hey, la gang, je sais que vous n'avez pas choisi d'être ici. On a une heure ensemble. Est-ce qu'on essaye de faire quelque chose qui fait du sens pour vous? » Puis là, j'essaie de gonfler leur ballon d'empathie. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Mais les jeux de rôle leur donnent une chance de voir une autre perspective, une autre possibilité. Et tu sais, par rapport à cette histoire de choix, moi, je me souviens avoir fait un jour un remplacement dans un... C'était des ateliers de théâtre. Donc, pareil, les élèves n'ont pas le choix. Après la classe, ils doivent aller chacun dans des ateliers. Donc, j'ai un groupe de jeunes qui n'ont pas du tout, la plupart... Enfin, certains ont envie, mais certains n'ont pas du tout envie. Et on est dans le gymnase, donc là où il fait le sport. Et il y a des garçons, ils prennent les ballons et ils ne veulent absolument pas faire du théâtre. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je suis censée les forcer, d'après mon contrat. Hein. Mais je me dis, bon, on va essayer de passer un contrat avec eux. Donc, je leur propose de jouer dans un coin du gymnase. Et la seule chose que je leur demande, c'est qu'à la fin, on se réunisse tous et puis ils regardent le travail de théâtre que ceux qui ont fait du théâtre vont leur présenter. Et ils sont d'accord. Puis donc, à la fin, juste, on présente les scènes. La fois suivante, ils voulaient tous faire du théâtre. Mmh. Et je me suis dit, c'est le bon chemin. Mais on n'a pas toujours cette faculté de créativité dont tu as parlé tout à l'heure. Mmh. Là, je me suis sentie le courage de le faire parce que je savais très bien que si une responsable venait et voyait ça, je serais virée. J'adore ça parce qu'au fond, les jeunes sont intéressés parce qu'on leur parle d'eux. Toujours, mon angle est sur toi. Qu'est-ce qui se passe pour toi? J'amène une curiosité, puis si tu me permets, Célia, je vais... Là, tu parlais de créativité aussi. Je fais des retraites. Je fais des retraites en personne, mais je fais des retraites en ligne aussi. Donc, peut-être pour... S'il y a des gens, tu sais, qui s'intéressent en France, c'est peut-être plus qu'en personne que c'est possible. Puis, dans ces retraites-là en ligne, j'ai ciblé certains mots, puis le concept, c'est un peu, c'est que les mots commencent tous par C. Puis, ensemble, on explore ces mots-là qui viennent renforcer notre capacité de non-violence, notre capacité à développer une culture d'empathie. Parce que réellement, ce qu'on veut en faisant nos podcasts, nos projets, c'est que la non-violence devienne une culture. une culture de vie sur Terre. Et on travaille sur la curiosité, je l'ai parlé plusieurs fois aujourd'hui. La créativité, le courage, on a parlé de courage aussi déjà ensemble aujourd'hui. La considération, c'est quoi l'histoire de la personne? La clarté dans nos ententes. Et tout ça, ça l'amène la connexion. Les humains, on cherche toute la connexion. Puis moi, cette image-là m'est venue à un moment donné quand j'étais dans une forêt qui venait d'être coupée. J'avais le dos contre un grand pin blanc, des immenses pins dont il n'en reste plus tant que ça au Québec, mais qui étaient les arbres qu'on prenait pour faire les mâts des bateaux qui traversaient entre la France puis le Québec dans les années 16, 17, 1800. Là, j'ai demandé au pin, j'ai dit, qu'est-ce qui fait que l'humain agit comme ça? Pourquoi il y a tant besoin de consommer, de se chicaner, de descendre l'autre? Puis j'ai demandé à l'arbre, qu'est-ce qui manque? Puis le mot connexion est venu. Si on avait plus de connexion avec nos enfants, avec notre communauté, qu'on était moins isolés chacun dans nos maisons, dans nos apparts, quand on connecte, ça l'amène une genre de satisfaction, une satiété qui fait qu'après ça, on n'a plus tant besoin d'aller vers la consommation, les relations un peu qui ne nous nourrissent pas. Oui, c'est moi ce que j'appelle être en lien. Et ça me ramène vraiment à cette idée parce que le podcast, moi, il y a un endroit où ça me frustre beaucoup. C'est que même si ça me crée des connexions, ne serait-ce qu'avec mes invités, évidemment, c'est des très belles rencontres, même des personnes avec qui je suis devenue proche, et puis avec certains auditeurs, auditrices, mais c'est quand même quelque chose qui part dans la nature. Moi, j'ai parfois l'impression de semer au vent. Et en même temps, de temps en temps, enfin, même quand même assez régulièrement, j'ai des auditeurs, auditrices qui m'écrivent des choses tellement belles où je me dis, mais c'est utile. Oui, je dois continuer. Voilà. Ça, c'était mon questionnement. Ben, moi, Célia, tu dois continuer parce que moi, j'aime beaucoup tes podcasts. Pour Colin. Ouais, il y a des centaines, des milliers de personnes qui t'écoutent. Moi, les podcasts, c'est une façon d'agrandir la communauté. Je commence souvent mes podcasts « Bonjour communauté culture d'empathie ». J'ai l'impression que la communauté s'agrandit. À chaque personne avec qui je parle, je la relie à toutes les autres personnes à qui j'ai parlé. En parlant avec toi, c'est la même chose. On tisse une toile. Et on garde cette flamme-là vivante. C'est possible. Parce que, tu sais, si tu écoutes les médias, il n'y a personne qui dit que la paix ou la non-violence est possible. Tout le monde dit « Ah, lui a bombardé lui parce que lui avait fait ça, puis regardez le monstre qui est là. » On garde cette philosophie-là d'une culture d'empathie, puis que les gens puissent l'approprier à leur manière. Puis, je vais être honnête avec toi, j'ai vraiment développé beaucoup des amitiés avec les gens avec qui j'ai interviewé. Il y a des gens qui étaient des amis déjà, il y a des gens que j'ai connus. Et souvent aussi, c'est des gens qui viennent aux retraites que je fais l'été par la suite, pour venir faire un atelier, pour faire partie de cette communauté-là, pour grandir, pour se sentir moins seul. Parce que même quand on est ultra connu, comme toi en France, Célia, on peut se sentir seul parfois. Ouais, je le sais. Ultra connu. Je le sais. Mais moi non plus. Mais on peut se sentir seul quand même. Même si les gens ont l'impression, ah, Colin, oui, il fait des ateliers, il fait ci, il fait ça. Célia, elle est sur scène, est occupée toujours. Hey, on peut se sentir seul quand même. Ben, je crois que c'est un peu la nature de nos sociétés, qu'on est vraiment un peu à la course. Ben, moi, en tout cas, de te rencontrer, puis de faire la connaissance avec toi, puis de partager sur ces podcasts et de partager aussi nos communautés. Donc, je dis bonjour à toute la communauté Force de la non-violence. Moi, je dis bonjour à la communauté québécoise de... Et pas que québécoise, d'ailleurs. Anglophone aussi, si on ne sait jamais qu'ils écoutent. C'est international. Tous les deux, on a des communautés internationales qui se rejoignent. On se rejoint, puis on fait partie de la même communauté. Alors, je te remercie, hein, Célia, de marcher ce chemin avec moi. Ben, merci aussi à toi, Colin, vraiment. Thank you.